Bonjour. Bonjour. Alors j'espère que vous allez bien. Les news cinéma, aucune. Donc toujours fermé. toujours que dalle. Donc ciné on the fun toujours. Bientôt les fêtes. D'ailleurs ça me fait penser, je sais pas vous, mais moi j'ai pas encore maté de film de Noël. Hein. Ah bah moi non plus. Bah écoute, moi j'ai même pas envie, donc bon. Si, moi j'aime bien, c'est le moment où tu deviens un peu comme du coton, tu te loves un petit peu dans ta couette et puis tu regardes ça, c'est confortable. Mais est-ce qu'on n'a pas tout arrêté pendant toute l'année 2020 du coup, pour le coup? Oui, c'est vrai, c'est peut-être pour ça que je suis pas très motivée en fait. C'est vrai. Alors aujourd'hui, on a 5 films à vous parler. Donc on aura d'abord La Sagesse de la Pieuvre, ou La Sagesse des Pieuvres, ou La Sagesse de la Pieuvre, attends. De la Pieuvre. Oui, c'est De la Pieuvre, pardon, excuse-moi. De la Pieuvre, de Pippa Ehrlich et James Reed avec Neo. Voilà. Ensuite, on aura Le Jour des Morts Vivants de George Romero avec Nelson. Alors, ça peut vous paraître bizarre qu'il ait vu Le Jour des Morts Vivants, mais en fait, il faut savoir que Nelson est un newbie en film d'horreur. Voilà. Donc, mais c'est pas grave, on va compléter. C'est bien d'avoir des gens qui découvrent comme ça des vieux trucs, des avec un regard un peu frais, quoi, voilà. Oui, en effet, je suis absolument pas fan de films de zombies. Cas, de films d'horreur. Non, mais justement, c'est là que ça devient intéressant. Et sinon, après, il y a moi, Bone Tomahawk, de S. Craig Zeller. Ensuite, on aura Si tu tends l'oreille, de Yoshifumi Kondo, avec Neo, qui est un animé. Et après, donc il y aura moi, avec Bridge, de John Suit. Voilà. Donc, mon cher Nio, veux-tu commencer? Comment tu dis ça d'une petite voix timide? Moi, je vais d'abord commencer effectivement avec La Sagesse de la Pieuvre. Comme Katou l'a dit, c'est un documentaire de Pippa Ehrlich et James Reed qui suit un homme nommé Craig Foster. Craig Foster, c'est un documentariste animalier en Afrique du Sud, qui a travaillé pas mal du montage, tout ça. Il explique dès le début du documentaire qu'il a travaillé, par exemple, sur un reportage sur les tribus africaines, les pisteurs dans le désert. Et il en a eu très, très marre à un moment. Il a commencé à faire une dépression parce que le monde de la vidéo et des films, disons que ça lui a pris beaucoup trop de temps. C'est sa passion, mais ça l'a bouffé. Et il a décidé de se ressourcer, de se recharger. Et pas loin de chez lui, il y a l'océan qui est pas loin, mais une espèce de petite crique où il va plonger. Tous les matins, il va plonger. Il faut savoir que c'est une eau qui peut être à 10 degrés, etc. Donc bon, comme tous les sportifs un peu, on s'y habitue, hein, à l'eau glaciale. Il va se ressourcer un peu avec ça. Et, à sa grande surprise, il va se lier d'amitié avec une pieuvre. Une toute petite pieuvre. C'est vraiment le petit poulpus vulgaris, quoi, comme il dit. C'est une pieuvre qui a une durée de vie de 1 an. Une petite pieuvre honnête. C'est adorable. Non, mais les bébés pieuvres, c'est trop mignon, quoi. Mais oui, mais... Et du coup, la première vision qu'il en a, il voit un espèce de tas de coquillages recroquevillés où il y a juste une tentacule qui dépasse. Et il va s'apercevoir que ce tas de coquillages qui est comme une petite forteresse, hop, il y a une pièce qui va s'en dégager, qui va se mettre dans une petite tanière, etc. Et ça va être les premiers contacts avec la pieuvre. Ils vont naturellement s'apprivoiser, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a des moments où lui, il plonge en apnée. Et donc, il retient sa respiration, mais il peut retenir sa respiration pendant plusieurs minutes. Il plonge très bien, etc. Il est bon, quoi. Et la pieuvre, petit à petit, elle va se rapprocher un peu de lui, jusqu'à lui coller une tentacule très lentement vers lui, tout ça. Et lui, il va aussi... Il va lui coller une tentacule. Tout à fait, c'est pas du hentai, ce n'est pas sale. il va aussi apprendre d'elle, d'où le titre américain My Teacher the Octopus. Non seulement il va un peu, parce qu'il était déprimé à mort, il va un peu, sa femme s'inquiéter, tout ça, il va un peu donc renouer contact un peu avec le monde humain, un peu grâce au monde animal. Et il va voir que, effectivement, comme on le dit souvent, les scientifiques le disent, que les pieuvres sont des animaux extrêmement intelligents. Et là, il va vraiment voir non seulement ses techniques, aussi à la pieuvre pour chasser, pour moi, Il y a un moment où le documentaire, tu vois que la pieuvre, elle a une technique, par exemple, pour les chasser les mollusques dans les coquillages. Et là, il se pose la question, oui, mais la coquille peut être extrêmement dure. Tu peux même taper, un humain peut même taper avec un marteau sur une coquille de mollusque, il n'arrivera pas à la briser du premier coup. Et elle, par exemple, il va voir qu'elle a une technique, c'est-à-dire que la pieuvre se pose, par exemple, très lentement sur le coquillage, et elle a une espèce de, près de son bec, elle a une espèce de dard, et il s'est renseigné, le gars, il a montré, le dard va piquer un point très précis de la coquille. C'est tellement sexuel, tout ce que tu dis. Un point très précis pour injecter un poison qui va ramollir un peu le mollusque pour pouvoir le bouffer tranquillement, quoi. Ah, d'accord. Et il y a même un autre moment aussi où, quand les premières fois, il rencontre la pieuvre, tout ça, qu'elle se rapproche un peu de lui, la preuve, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend une grande pierre, elle s'en sert comme bouclier. C'est-à-dire qu'elle rapproche ses tentacules, mais de l'autre côté, avec d'autres tentacules, elle est planquée derrière une pierre comme un bouclier. C'est extrêmement incroyable, ça. C'est à te demander même si les, dans l'Antiquité, les notions de bouclier que les Romains, les Grecs ont développées, s'ils ne sont pas inspirés eux-mêmes de la nature. Mm-hmm. Ça, c'est un autre sujet. Donc voilà, on va voir la pieuvre, etc. La pieuvre, son environnement, c'est elle vit dans une forêt de kelp. Les kelps sont des grandes algues, les grandes algues qui forment une espèce de forêt lumineuse où la lumière passe, etc. C'est magnifique en plus. Et on pourrait se dire que c'est un environnement paradisiaque. Pas vraiment, parce que même si la petite pieuvre, avec son intelligence, etc., elle est un peu dans la chaîne alimentaire, elle est quand même très élevée, il y a des prédateurs. Et des prédateurs, notamment des petits requins qui sont pas très dangereux pour l'homme, quoi. C'est pas des requins tigres ou d'autres trucs, mais quand même des petits requins qui peuvent bouffer la pieuvre. Donc, à un moment, il y a une séquence, et puis en plus, le documentaire, il y a t'as une musique un peu avec des percussions, etc., qui te fait bien flipper. Il y a un requin qui repère la pieuvre, et il y a toute une course poursuite qui s'engage. Et c'est là que tu vois que la pieuvre n'est pas connue du tout. Le requin, il a beau la flairer à l'odeur, la pieuvre, elle va se cacher dans la forêt de kelp, dans la forêt d'algues. Elle s'enroule autour d'une algue, un peu comme si tu roulais autour d'une couverture. Il y a un autre moment aussi où, comme elle peut changer, se métamorphoser comme un caméléon, grâce à son sang, sa peau peut arborer la couleur de la roche, elle se métamorphose dans le décor, sous le sable, etc. Elle arrive à se mettre dans sa tanière, et puis le requin quand même arrive à le requin se met la truffe dans la tanière, essaie de la bouffer, etc. Et va quand même lui bouffer un bras. Mais, et c'est ça qui est absolument génial, c'est que tu vois, au fil du temps, au fil des semaines, il y a un tout petit moignon de bras qui va commencer à repousser, et au bout de 10-11 semaines, il y a un bras nouveau qui a repoussé. D'accord. Nio, en fait, j'ai une question sur la manière dont est fait le documentaire. Est-ce qu'il n'y a pas trop de... Est-ce que c'est pas trop lent? Est-ce qu'il n'y a pas des moments où on se dit qu'on s'embête un peu devant? Est-ce que c'est assez rythmé? Pas du tout. Pas du tout. Le documentaire dure 1h25. Ouais. C'est très bien. Normalement, en général, le documentaire dure 50 minutes, 1h. 1h25, ça va encore. Et c'est assez rythmé parce que tu vois, il y a un petit compteur qui s'affiche les jours. Mm-hmm. Donc, comme une durée de vie de la pieuvre a fait bien 1 an, tu te doutes qu'à la fin, la pieuvre ne sera plus là, quoi. Donc, tu auras un peu le cœur serré, quoi. Enfin, parce que toi aussi, tu seras attaché à la bestiole. Donc, et c'est à chaque fois, tu vois, par exemple, 2-3 minutes qui doivent correspondre à une journée, ou après, ça reprend, par exemple, le jour 52, après, plus tard, un jour 60, etc. Donc, non, ça mérite d'être assez bien concis, et ça se base, en plus, sur les vidéos que le gars, il a tournées, parce que dès le début, il a commencé à tourner un peu, il a commencé à se baigner avec une petite caméra. Mm-hmm. Donc, tu comprends qu'après coup, c'est pas mal d'images qui ont été montées de tout ce qu'il a filmé pendant plus d'un an avec, au côté de cette petite pieuvre. D'accord. Et sinon, c'est voilà, je ne peux que le conseiller, c'est vraiment très bien. On me l'avait conseillé, je l'ai vu, j'ai vibré au contact de pieuvre, moi aussi, je trouve que c'est vraiment excellent. D'accord. Voilà, voilà. Ok, bah cool. Et donc, tu as dit, c'est sur Netflix le documentaire, en fait, donc facilement visible, quoi. Tout à fait, accessible okay. Netflix. D'accord. C'est labellisé 2020. Ça sera peut-être dans le... Je le dis parce que j'ai l'impression que tous les trucs que j'ai vus cette année, les meilleures choses que j'ai vues au cinéma ou sur la plateforme, c'est les documentaires, que ce soit Un pays qui se tient sage ou Il s'agit de la pieuvre. Donc, ça montre un peu le niveau du cinéma pour ma part en 2020, quoi. Ouais, moi, je viens de faire... Enfin, on verra quand on en parlera quand on fera notre top de fin d'année, mais pour 2020... Deux semaines. Je trouve que, en fait, ouais, mais il n'y a pas eu beaucoup de... Effectivement, il n'y a pas eu les blockbusters, mais je pense que ça a permis à plein de trucs intéressants d'émerger en 2020. Mais on en parlera oui, dans notre top. Oui, intéressantes, mais aussi pas mal de choses qu'on aurait aimé voir, quoi. C'est dommage. Ouais. Mais bon, c'est la photo Covid. Nelson, avec Le jour des morts vivants. Ouais, Le jour des morts vivants, donc sorti en 85, un film de George A. Romero, qui est la suite de la trilogie zombie de Romero. Alors, Nelson, je te coupe un petit peu. On peut même dire que c'est une quadrilogie en rajoutant le dernier volet qu'il a fait dans les années 2000, en 2004, qui est Land of the Dead. Ouais, puis même les autres, hein, les autres de la série. Non, les Land of the Dead, puis mon caméscope, c'est de la merde. Non, mais là, je parle par exemple, je disais trilogie parce qu'à ce moment-là, c'était une trilogie, donc en 85. Ouais. Troisième opus, c'est censé celui c'est pas censé être celui qui ferme la marche, mais le film en fait raconte de l'organisation de survivants qui en fait partent en hélicoptère chercher des rescapés et en fait s'aperçoivent que les villes en fait sont remplies de zombies et que il y a plus réellement d'espoir, donc du coup ils partent se terrer dans un silo à missiles de la guerre froide où dans lequel se terrent aussi des militaires et des scientifiques, et en fait dans le tas il y a une femme, qui est la seule femme du groupe, qui est jouée par Laurie Cardill, qui était la fille de Bill Cardill, qui jouait aussi dans La Nuit des Morts Vivants. Donc, en fait, on va s'apercevoir dans tout le film qu'il y a beaucoup de gens qui étaient très habitués à bosser de près ou de loin avec Romero. Donc, en fait, donc je disais, les survivants sont enterrés dans un silo à missiles dans lequel se trouve en fait un groupe de scientifiques et de militaires qui sont censés les protéger par là et l'un est censé protéger l'autre. Le problème c'est que il y a des tensions qui se créent à l'intérieur parce que les militaires eux sont pour qu'on tue tous les zombies. Et les scientifiques, eux, sont pour dire, attendez, non, vaudrait mieux, là, maintenant, on est en minorité, il vaudrait mieux essayer de contrôler contrôler l'infection, contrôler la contagion, merci. Contrôler la contagion, empêcher que les gens soient à nouveau contaminés, et puis essayer de contrôler les zombies. Et dans le tas, donc, il y a le chef des scientifiques qui est joué par Richard Liberty. Et donc, en fait, il joue le rôle du docteur Logan, qui est que tout le monde appelle Frankenstein dans le film. Et en fait, lui, il est en train il pense découvrir qu'il est possible de dresser les zombies. Dresser les zombies comme on peut dresser les chiens, en fait. Et pour ça, il a un zombie qu'il a récupéré qui s'appelle, qu'il appelle Bob. En français, il l'appelle Boubou. C'est un des meilleurs passages du film. Ouais, qui est enfin, en tout cas celui qui est. Celui-là, en fait. Ouais, c'est en tout cas celui qui a l'air le plus. Enfin, qui est qui a le plus d'humanité, en réalité. Mais. Et ça se verra dans The Dead, c'est les zombies qui sont les plus humains, au final, quoi, dans le dernier film. Ouais, c'est ça. Mais là, ce personnage-là, en tout cas, donc c'est celui qui a le plus d'humanité dans le film, et il est, il va être l'objet d'une féroce tension entre les militaires qui, pour eux, lui, il a rien à foutre là et on va rien en tirer, et les scientifiques qui disent non, mais attendez, c'est un espoir. Si lui, on arrive à le dresser, on peut peut-être dresser les autres. Et voilà. Et moi, mon avis sur le film, c'est que, alors comme je disais, moi, je suis pas du tout film d'horreur à la base. Je suis absolument pas film d'horreur. Je vois pas des masses dans l'année parce que c'est pas du tout mon délire. Et alors encore moins quand c'est des films très gore. Mais celui-là, en fait, il y a un critique de cinéma américain qui s'appelle Roger Ebert, qui avait une émission dans les années 80 et qui disait ce film en fait c'est un film d'horreur réalisé c'est le film d'horreur où on a mis plus de moyens dans les des zombies que dans le décor ou tout autre département du film. Du coup on a l'impression que le truc est réalisé dans une cave et je suis assez d'accord. Romero il a réussi à mettre une tension Il a réussi à mettre une tension, il a réussi à mettre un on se sent, on est mal dans tout le film, on a un sentiment de claustrophobie qui est très présent dans le film et ça se sent vraiment beaucoup. Après, le problème, c'est que quand j'ai fait de légères recherches sur la genèse en fait de ce film-là. Et au départ, Romero, il avait écrit un script pour un film qui durait 2 heures. Et on lui a renvoyé le truc en disant non, mais attends, alors que quand même, il avait fait Zombie avant, que le truc avait cartonné et tout. On lui a renvoyé son script en disant non, attends, on n'a pas du tout de budget pour ça. Et du coup, il a dû le ramener. Hein. Il me semble que c'est 1h40. Il me semble que le film fait 1h40, mais il faudrait que je vérifie. Et en fait, le truc, c'est qu'il n'avait pas assez de budget. Donc du coup, pour le budget qu'on lui a refilé, il a ramené le film à un temps moindre. Et donc du coup, il n'a pas pu... J'ai l'impression mm-hmm. qu'il n'a pas pu raconter tout ce qu'il voulait dans le film. Et du coup, quand je regarde, j'ai l'impression que après la deuxième attaque des zombies, d'un coup, il faut finir le film. Et d'un coup, on voit aussi que j'ai l'impression à un moment, ça peut être mon impression à moi, mais qu'il y a des acteurs qui ont été rajoutés et d'autres qui sont barrés entre temps. Parce que par exemple, il y a le soldat Torres. On le voit absolument pas de tout le film. Et au moment où les mecs se font attaquer, les zombies attaquent les militaires, d'un coup, paf, le mec sort de nulle part, alors que jusqu'à présent, on l'avait pas vu du tout de tout le film, quoi. Pour la question de la durée et du montage, je pense qu'il doit connaître l'anecdote vis-à-vis du remontage européen, vis-à-vis du remontage américain du deuxième volet zombie. Celui qui se roule dans le centre commercial. À la base, le film de Romero sur le territoire américain dure 2 heures, mais sur la version européenne qui est remontée par Argento qui produit, il dure 1h30. La version de 2 heures de Romero qui est la version de base, t'aperçois qu'en fait, c'est un peu mou, quoi, par moment. Et tu te demandes, du coup, si la version de zombie est faite par, remontée par Argento, justement, parce qu'il a beaucoup plus de pèse, si les gens n'ont pas voulu un peu justement brider un peu Romero donc sur le troisième volet, sur Dawn of the Dead, pour que justement le film soit un peu plus peps, tout ça, parce que voilà. Ouais, c'est une idée, parce que quand justement moi j'ai regardé le film et je me disais, mais attends, il y a un souci, merde, j'ai l'impression que le film il est précipité. La fin est précipitée. C'est allez, vite, il faut qu'on finisse, faut que le mec il soit séparé en deux, et puis faut qu'on leur file à bouffer aux bestioles, allez, c'est terminé. Mais ouais, du coup j'ai beaucoup de mal avec cet opus parce que il commence correctement. Je vais pas dire il commence bien, il commence correctement, c'est-à-dire que on a un mec qui est complètement barré, le personnage de Frankenstein, donc du docteur Logan, il est complètement barré, mais en façade, il arrive encore à maintenir qu'il a les pieds sur terre. Et en face, on a les militaires qui eux ont pas le choix de croire ce que dit ce mec, donc le docteur Logan. Ils n'ont pas le choix de croire ce que dit ce mec parce que dehors c'est pas beau à voir. Dehors il y a des cadavres ambulants qui rêvent que de les bouffer. Donc du coup les mecs ils sont un peu pris entre deux feux. Et c'est vraiment, ça rend très bien. Je veux dire, toute la première partie du film, elle rend très très bien. Mais après arrivé la deuxième partie, d'un coup c'est bâclé. C'est bâclé et du coup quand j'ai regardé le film je me disais mais en plus il y a des choses qui restent un peu en suspens, c'est-à-dire de se dire mais ça se trouve en fait est-ce que ce serait pas en fait le docteur Logan qui orchestre tout de manière à avoir des cadavres en plus pour pouvoir dresser davantage Boubou et voir si en fait on peut les contrôler les zombies, quoi. Et du coup, il y a quelques trucs comme ça qui restent en suspens et qui font que ben le film est pas top, quoi. Le film est pas top, c'est pas un truc zombie. Je l'avais regardé et je le regarde encore quelques fois et je me dis waouh, il y a un truc, il y a un travail dessus et on que ce soit la version d'Argento, que ce soit la version de Romero, le film, on est dedans, on est vraiment dedans, on suit ces gens et quand on sait que par exemple la fin de Zombie c'est pas du tout c'était pas censé être la même que ce qu'on a eu là, on se dit bah Romero il est capable de trucs de dingue, on aurait pu attendre mieux dans le scénario que ce qu'il a lancé dans le jour des morts vivants, et malheureusement c'est pas terrible. Après on sent quand même que Romero c'est un mec qui a quand il a des acteurs, et ben il les dirige bien, et du coup j'ai oublié le nom de l'acteur excuse-moi, je vais essayer de le trouver vite fait. Déjà pour mais dire. Mais en fait, toi d'une manière sur le film, d'une manière générale, en fait, t'es plutôt déçu, tu l'attendais. Qu'est-ce que t'attendais de ce film, en fait, sachant que toi, tu regardes jamais trop les films d'horreur. Qu'est-ce que t'attendais de ce film, au final, qu'est-ce que t'en retires? Moi, ce que j'attendais de ce film, c'est juste que le personnage du docteur Logan, en fait, moi, je m'attendais vraiment à ce qu'on ait soit une conclusion, parce qu'au départ, moi, à l'époque, quand j'avais vu la première fois que je m'étais intéressé à ce film, j'avais pas vu, j'étais pas du tout au courant qu'il y avait Diary of the Dead, qu'il y avait Land of the Dead. D'accord, donc tu l'as vu en deux temps, une fois sans savoir qu'il y avait des trucs avant, et une fois ayant les incidents. Ok. Voilà, et moi je m'attendais à une conclusion. Ouais. Une conclusion. Et à l'époque, quand je l'ai vu, je me disais, mais c'est juste un truc qui est gore pour rien, t'as vu, machin. Et à la première vision, ça a été ça. À la deuxième vision, j'avais j'avais un peu plus avancé dans mon cheminement. Donc du coup, je me disais, ah oui, il y a des choses très intéressantes et très intelligentes qui ont été posées dans ce film, mais qui ne vont pas au bout. Qui ne vont pas du tout au bout. Et du coup, bah malheureusement, le film se conclut un peu tout le monde on massacre tout le monde et puis ça s'arrête là. En plus de ça, ça correspond pas, si tu veux, à ce que décrit Romero. Parce que Romero, il disait j'ai pas pris le parti de l'un ou de l'autre. Ouais, mais à la fin, il reste que les scientifiques et les militaires, ils sont tous décimés, quoi. Donc quelque part, t'avais aussi une idée. Il y avait aussi peut-être une idée de se dire, en réalité, quoi qu'il arrive, il faut la seule chose qui doit triompher, c'est l'humain, je ne sais pas, mais c'est un peu débile ce que je dis, mais en tout cas, ça va jusque-là, quoi. D'accord. Et moi, je voudrais juste signaler, il faut le voir en VO. Ouais. Il faut le voir en VO. Parce que en VO, c'est super bien joué. Et Laurie Cardi, c'est une femme forte dans tout le film. Et en fait, on voit que Vernie commence, il traque, et que elle est au bord de tous les envoyés se faire foutre. Mais en même temps, elle dit ma mission en tant que scientifique est la plus importante, donc il faut que je reste. Et en fait, tous les rôles marchent. Le Joseph Pilato qui joue le Captain Rose. Donc il joue le supérieur qui dirige, enfin le militaire supérieur, le grade supérieur, lui il est terrifiant. Et oui, et en plus il a dû s'imposer parce que c'était pas un choix évident là-bas, c'était pas lui qui était pris par Romero, quoi. Ouais, là tu vois que le mec il est terrifiant. Il y a un moment, il y a une espèce de réunion entre les scientifiques et les militaires, et le mec il s'est gueulé, mais putain, t'es dedans, quoi. Et il y a tout un tas de trucs. Il y a le militaire dont j'ai perdu le nom qui est complètement en fait qui est au bord de la crise de nerfs et qui est justement avec Laurie Cardi qui est avec justement le personnage de Laurie Cardi qui s'appelle Sarah et ils ont une histoire ensemble et en fait ce mec là il est complètement il est en train de perdre les pédales, tu vois. il est en train de perdre les pédales, voyant que tout le monde est en train de mourir autour de lui et qu'il n'y a plus d'espoir, parce que chaque fois qu'ils vont dans des nouveaux coins, ben en fait il n'y a que des zombies. Et ben lui, il joue vachement bien. Lui, il joue vraiment vraiment bien, quoi. Et voilà, pour le reste, après, c'est tous des acteurs qui ont plus ou moins joué avec, ou qui ont plus ou moins de connexion avec Romero, notamment John en place, et qui lui a fait jouer, il a joué dans Martins, il a joué dans Zombie, il a joué dans plein de films avec la famille. Ouais, et voilà, et t'as Richard Liberty. Par contre, j'ai découvert un truc, c'est que Richard Liberty, la même année, il jouait dans deux Super Flics à Miami. Et Bud Spencer et comment il s'appelle, Terrence Hill. Voilà. Mais voilà, malheureusement. Donc on est nul. Est-ce qu'il était ami? Ah, magnifique. Mieux, je vous aime. Mais non, en tout cas, voilà, c'est un peu un coup manqué, ce film-là. J'aurais aimé que ça aille un peu plus loin, et parce qu'il y a plein de choses très intelligentes dedans. Mais malheureusement, voilà, ça se limite simplement à dire que Bub, c'est la seule humanité qu'on a autour de nous. D'accord, mais on va pas te faire voir tout de suite Cannibal Holocaust. Ouais, bah c'est en fait, c'est le mettre dans la catégorie, comme disaient les nuls, ce qui est bien mais pas top. Voilà. Non mais on va Nelson, on va pas te faire voir tout de suite qu'il y a bien Cannibal Holocaust. On va attendre un petit peu. On va attendre longtemps même. C'est moi, j'avais vu le truc l'enfer des cannibales. Le Eurociné, là, ça m'a suffi. Alors, en parlant de cannibale, moi, j'ai vu Bone Tomahawk. Ah, j'aurais bien voulu dire 2-3 mots sur The Dead. Ah, bah, vas-y, alors, continue. Juste pour rebondir sur l'humanité que notre cher Nelson a pointé chez les zombies, effectivement, d'ailleurs, non seulement on remarque que Romero développe son univers, c'est-à-dire que dans le volet juste avant, là, les gens se réfugient dans un supermarché, mais les régions commencent à être envahies de zombies, etc., tout ça, etc. Mm-hmm. Dans Land of the Dead, bah là, il y a des zombies quasiment partout. Et dans Land of the Dead, bah, ce qui reste de l'humanité, elle s'est juste réduite en des petites poches de bastions intrenables, etc. Maintenant, il n'y a plus que des zombies qui restent, etc. Et de l'autre côté, les humains perdent un peu leur humanité jusqu'à devenir un peu une caricature, un peu comme Dennis Hopper qui est le capitaliste ultra bien dans sa tombe. C'est ça. Et Romero s'en amuse, etc. Et d'autre côté, t'as les zombies dans Land of the Dead qui font preuve d'humanité, qui étaient déjà développés par Kid Push, par Land of the Dead, par Boubou. Et là, on voit le côté, l'évolution du zombie, etc. Donc, pour moi, c'est un tout, c'est une saga, tout va bien, comment l'humanité perd les pédales. Et on arrive à sa perte, d'ailleurs, en faisant toute une suite de choix désastreux, ce qui, effectivement, malheureusement, nous arrive aussi en 2020. Et tu vois que d'un autre côté, les zombies commencent à devenir la nouvelle humanité, entre guillemets, quoi. Le constat est un peu clair. Et pour rebondir un peu sur la musique un peu de John Harrison, c'est une musique qui est... Voilà, et qu'on entendait le début du film, mais moi ce qui m'a fait marrer, c'est que Gorillaz va sampler le truc et t'entends la voix en VO qui demande s'il y a quelqu'un, et ça donne ça. Hello, is anyone there? C'est ça. Ça c'est le Gorillaz, sauf qu'après Gorillaz ça part un truc plutôt comme... Attendez. Ah, avec des grosses guitares qui commencent à arriver par contre. Voilà. C'est dingue le nombre de musiciens qui sont influencés par le cinéma et qui collent à un moment ou à un autre un sample d'un morceau de film qu'ils ont kiffé ou même des fois certains morceaux de musiciens où t'as l'impression qu'ils se sont inspirés directement, ou on sait que c'est directement inspiré de musique de film, quoi. Ouais, mais ça c'est fabuleux parce que l'album de Gorillaz sort en 2001. À cette époque, j'ai pas encore vu le troisième volet des zombies. Je suis fan des deux premiers, etc. J'adore les zombies quand j'étais plus jeune, désolé Nelson, mais j'avais pas encore vu le troisième volet. Et du coup, quand j'écoute Gorillaz, etc. Et après plus tard, quand je vois le film, je me dis oh putain, mais je connais ça. Mais oui, Gorillaz a repris ça sur un de leurs derniers morceaux sur l'album de 2001. Je fais ah ouais. Voilà, deux trois petits points pour rebondir sur le Death of the Dead de notre ami Nelson. Voilà. Ok. Bah, donc, je disais... Bah, voilà, tu vois, ma transition, du coup, elle est plus là. C'est cannibale. Mais non, mais c'était il y a 5 minutes, la cannibale. Bon, donc, on reste sur Bone Tomahawk de S. Craig Zeller. Donc, S. Craig Zeller. J'aime bien, enfin, c'est très bien. Tu sais, à chaque fois, les réacs, quand ils mettent juste l'initiale avant, tu sais, quand... genre, ils assument pas leur premier prénom, donc ils le résument à un petit truc... Donc le film, donc en gros c'est dans le Far West, je vous fais le pitch, dans le Far West il y a deux bandits qui sont joués par David Arquette et Sid Haig, qui tuent et qui pillent des gens voilà pour vivre. Malheureusement massacre, il y a de l'action de vrai. C'est ça, non mais après massacre, ils se contentent de tuer pour mieux piller, hein, c'est tout. Hein. C'est essentiellement le pillage leur truc, j'ai l'impression. Et c'est un peu la loi du plus fort dans le Far West. Hein. C'est un peu comme ça là-dessus que s'est bâti les États-Unis. Et donc malheureusement, ils pillent les mauvais individus. Voilà, c'est à savoir une tribu un peu étrange. Parce qu'à un moment, ils arrivent dans un coin et t'as l'impression que c'est une espèce de truc un peu mortuaire, enfin voilà, dans le désert. Et donc l'un d'entre eux survit, donc David Arquette, et se retrouve dans un village, il atterrit dans un village d'où la tribu va venir jusqu'à le chercher en fait pour se venger. Et en même temps ils emmènent l'adjoint du shérif qui était en train de le surveiller et la femme qui était en train de le soigner, parce qu'à un moment il a eu une altercation, il a eu un petit truc avec le shérif l'a tiré dans la jambe. Et donc le shérif, un shérif et l'adjoint partent à leur recherche, accompagnés du mari de la nana qui était en train de le soigner et d'un mec qui avait dragué la nana dans le passé, hein, voilà. Tant qu'à faire. Oui, voilà, et aussi, il est là. Voilà, c'est un mec qui est dans les parages, il est là, il fait partie du truc, et il se trouve qu'il a dragué la meuf dans le passé. Pour les acteurs, c'est quand même, il y a quand même un bon petit casting assez sympatoche, hein, quand même, parce qu'il y a Kurt Russell qui joue le shérif. Yeah. Il y a Patrick Wilson qui joue le mari de la jeune femme. Patrick Wilson qui est encore un mec, je trouve ça fou, c'est-à-dire que de visage cinématographiquement, c'est toujours le mec le beau. Donc, mais en même temps, c'est genre le mec beau et droit, tu vois. Donc, il est un peu en termes de rôle, soit il va faire un méchant rigide, soit il va faire le mec droit et beau, quoi, tu vois. Matthew Fox. Qui sort tout droit de Lost. Et qui est, alors je trouve ça dingue la carrière de Matthew Fox en fait, parce que il a commencé, il me semble, dans La Vie à 5. Mais oui, parce que quand on le regardait petit, enfin moi, je crois que c'est lui qui faisait le grand frère. Ouais, La Vie à 5. C'est lui qui jouait le frère aîné qui se retrouvait à s'occuper de ses frères et sœurs à la suite de la mort de leurs parents. Et je pense qu'il a eu un espèce de saut dans sa carrière avec Lost qui l'a propulsé. Voilà. Après, c'est très marrant parce qu'il a joué vite fait dans Speed Racer aussi, avec les Wachowski. Et je trouvais ça. Pas souvenir. Bah c'est parce qu'en fait il joue tu sais, t'as un personnage, le personnage du grand frère, je crois, qu'on voit très vaguement en fait, et il se trouve que c'est lui qui le fait, tu vois. Alors, à cette époque là je crois qu'il était en plein dans la période Lost, justement, il me semble. Il était en plein dans la période Lost, donc un peu au sommet de sa gloire, je crois, et donc il joue un l'espèce de personnage charismatique comme ça qu'on voit un petit peu, quoi. Et du coup, il a joué aussi dans World War Z, vite fait. Enfin bon, son dernier rôle en tant qu'acteur, c'est Bone Tomahawk, en fait. C'est fou depuis. Et ensuite, on a Richard Jenkins. Richard Jenkins qui, cette année, on l'a vu dans Quasi-Millionnaire, qui joue le père de... Je vais pas repartir sur mon discours sur Quasi-Millionnaire, mais c'est pas. Donc qui jouait le père de famille. Après, c'est le mec en fait. Tu le vois un peu partout. Tu captes pas. Tu sais que c'est un acteur qui est hyper fiable. C'est le genre de mec hyper bon, machin, qui peut caser n'importe où. Ensuite, bon, après c'est que des trucs pas trop connu. À part David Arquette et Sid Haig qui justement jouent au début du film. Sid Haig, j'ai l'impression que c'est juste pour dire que c'est Sid Haig qui est là. Hein, je sais pas. D'ailleurs, enfin, c'est fou la filmographie qu'il a. Ce mec-là, c'est un truc de dingue, quoi. Il est sorti en quelle année? Hein? Il est sorti en quelle année? Le film est de 2015. D'accord. Et de 2015 et c'est l'avant-dernier film dans lequel a joué Sid Haig. D'accord. Donc voilà, après il est malheureusement décédé. Et donc voilà, le casting d'une manière générale, enfin l'interprétation est vraiment très juste et vraiment très bien. Le réalisateur en fait, c'est lui qui avait fait alors attends, j'ai le titre en anglais parce qu'en français c'est Section 99, mais le titre en anglais c'est Brawl in Cell Block 99. C'est le film avec Vince Vaughn qui joue un détenu, voilà. Oui, bah c'est pas mal du tout. Oui, il est très bien justement, tu vois. C'est alors pour le coup, c'est vrai qu'en termes d'atmosphère, enfin en termes de pour la manière dont c'est filmé, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose de commun. C'est clairement, il a un univers. Après, j'ai pas vu Traîner sur le bitume, qui est son dernier de 2018, mais je pense que ça doit être un peu dans un peu filmé de la même manière. Et c'est clairement, enfin, c'est un réa qui prend le temps de faire les choses comme de bien fignoler son univers, quoi. Sinon en fait il s'avère qu'il c'est un très bon directeur d'acteur en fait, parce que Vince Vaughn est vraiment très bien dedans en fait, dans Section 99. Et là, ouais. Et là clairement ça se voit qu'il a su bien diriger ses acteurs, quoi. Alors celui que j'attendais pas en fait, dont j'attendais rien, c'était Matthew Fox. C'est-à-dire que c'est vu dans quoi il avait joué, et je me suis dit, mais ça dénote par rapport aux acteurs qui l'entourent en fait. Et en fait, il s'avère qu'il se calque vraiment très bien. C'est-à-dire qu'il a un rôle un peu dur d'un dandy du Far West qui est un peu un célibataire endurci, antipathique, et ça lui va très bien en fait. Il y a une dureté dans ce rôle qui est pas mal du tout. Alors apparemment, c'était pas lui qui était prévu à la base. C'était Timothy Olyphant en fait qui était le premier choix, et je trouve que ça aurait été un peu dommage, parce que Timothy Olyphant, on a l'habitude de le voir dans jouer dans des trucs, on a l'habitude de le voir Hitman, d'accord, mais en fait il a joué dans une série qui était, enfin, on a l'habitude de le voir dans un truc qui où il joue le Texan de base, quoi. Il a joué dans la série Justified en fait, où il joue un type de rôle comme ça, et en fait du coup je trouve ça le marque beaucoup, et je vois beaucoup de trucs en fait, beaucoup de réactions sur, parce que comme il joue dans la dernière série Fargo, il joue dans un épisode de la dernière saison de Mandalorian aussi, et je vois des gens qui s'excitent en disant ouais, oh là là, mais faut mettre Timothy Olyphant quand tu veux sauver une série machin et tout. Moi je trouve pas, c'est-à-dire qu'en fait il est vraiment très bon, mais je trouve qu'il est trop caractérisé en fait comme acteur, et du coup le truc c'est que justement Matthew Fox, comme il fait plus, il est plus passe-partout, et du coup pour moi je le trouve plus passe-partout, et je trouve qu'il apporte une froideur au rôle qui va très très bien à son personnage en fait. Donc chose que Timothy Olyphant peut-être aurait été peut-être un peu too much en fait, s'il avait fait le même type d'interprétation, ou je sais pas, il y aura un truc j'ai l'impression que ça, pour moi ça s'y est mieux à Matthew Fox. Mais est-ce que notre Kurt Russell, il est bien dedans? Il est très très bien. Après il est toujours c'est pas une interprétation exceptionnelle, c'est juste une interprétation très juste, voilà. Mais il est bien. Mais c'est difficile de à Kurt Russell maintenant, c'est difficile de dire qu'il est mauvais quelque part. Il n'a jamais été vraiment mauvais, je pense. Hein. Après, au stade où il en est, voilà, il arrive, il fait son truc bien, et voilà, que c'est. On peut rien dire de mal dessus, en fait, c'est ça. C'est juste, voilà, quand tu veux être sûr d'avoir un résultat nickel, tu prends Kurt Russell. la cinématographie, elle est juste. J'entends par là qu'elle est, enfin, elle est indéniable. C'est-à-dire que la cinématographie est belle. Il prend le temps de l'imposer. L'image est bonne, mais elle est pas tape à l'œil. C'est-à-dire qu'il sait mettre un univers, l'univers du film en valeur et instaurer une image en même temps, quoi. Une imagerie en même temps. Par contre, au niveau du scénario, on a une impression curieuse que l'histoire peut être un peu trop lente, en fait, que peut-être on pourrait enlever des trucs, mais en même temps, quand tu réfléchis à quoi on pourrait enlever, ben on sait pas quoi. C'est-à-dire que tout s'avère utile en réalité, et je pense que c'est parce que le réa prend le temps, prend son temps, en fait, pour imposer l'atmosphère et ce qui laisse le temps aussi aux personnages d'imposer leur personnage. Donc, aux acteurs d'imposer leur personnage. Voilà. Donc, voilà. Et une dernière petite chose, ça fait un moment que je l'avais sous le coude, en fait, ce film-là. Puis je me lançais pas trop à le voir. Je me disais, un jour, faut que je le voie. Et je l'avais vu dans un classement de films d'horreur sur YouTube, genre film d'horreur sous-estimé. Et en fait, après l'avoir vu, effectivement, je trouve ça curieux qu'il était classé en film d'horreur, parce que c'est pas du tout un film d'horreur pour moi. Alors d'accord, il y a un peu de violence, il y a un peu un truc qu'on pourrait classer dans gore, vite fait, mais c'est rapide. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un western, mais moderne. Donc, un western hybride. Non, c'est juste faire un western moderne. Donc, et en plus, c'est un film choral, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de héros spécifiques, en fait. Oui, alors, en fait, les cannibales dans le cinéma américain, notamment dans les westerns, mm-hmm. c'est pas quelque chose qu'on voit souvent quand même. Oui, mais non. Mais alors, attends, quand c'est dans le western italien, on voit beaucoup. Attendez, je finis ma phrase, ça va être bien. Donc, c'est un western moderne. Du coup, bah, c'est normal, en fait, qu'il y ait un peu plus de gore, parce qu'on n'a plus le même rapport à la violence qu'avant. Je suis persuadée que si à l'époque, dans les années 50 ou 60, on pouvait se permettre de faire de la violence, ils auraient fait pareil. Là, c'est juste, voilà, du coup, c'est un petit peu plus violent. Et encore, c'est juste une ou deux scènes, tu vois, où il y a quelque chose, parce que ça reste quand même très, très, très propre, quoi. C'est-à-dire que c'est une scène à la fin avec les gens de la tribu, en fait, qui s'avère un peu dur. Mais sinon, il y a deux, trois trucs où finalement ça se passe vraiment rapidement ou hors champ, quoi. Donc, on peut pas dire que ça fasse très film d'horreur non plus, quoi. En ce qui concerne la tribu, j'ai l'impression que c'est plus la tribu fantasmée comme on le fantasmait à l'époque, c'est-à-dire que la tribu, c'est-à-dire que des cannibales sanglants, impitoyables et avec une imagerie de maintenant. Donc, et c'est un peu, mais du coup ça leur donne un aspect vraiment, enfin vraiment pas mal, quoi. Donc moi je le casse pas en film d'horreur. Voilà. Et c'est vraiment, enfin c'est un film qui est plutôt pas mal à voir. Je trouve que c'est dans le genre un peu western, c'est il y a un petit aspect de violence, mais je trouve que c'est vraiment un western plaisant à voir, quoi. Voilà. Okay. Voilà. Donc. Okay. Si tu tends l'oreille, Nio, tu vas. Si tu tends l'oreille, oui. Je vais te passer le flambeau à toi. Vas-y. Alors, là, la transition, elle va être très bizarre, parce qu'on passe d'un western à un cannibale à un film d'animation très intimiste. Ouais. Et qui, en plus, qui est des années 90. On n'est plus dans... Enfin, là, c'est 10 ans avant. 2005, 2095, là, on remonte 10 ans avant. Alors, si tu tends l'oreille, Mimi wo Sumaseba, remarquez bien mon accent tout pourri en japonais. Shifumi Kondo. Tu es l'homme de alors, tous les accents. Voilà. Alors je vais, à moins que Nelson me reprenne, mais Yoshifumi Kondo n'a rien à voir avec Koji Kondo. L'un a réalisé ce film et l'autre est compositeur de musique de Legend of Zelda. Ils n'ont rien à voir ensemble. Rien à voir. Voilà. Donc Yoshifumi Kondo, il faut savoir que c'est son unique film qu'il a réalisé, malheureusement, parce qu'il est parti très tôt, à seulement 47 ans. Et il est 47 mort. 47 ans Oui, tout à fait. À 47 ans, il est... Il est né en 1950 et il est mort en janvier 98, le 21 janvier, à 47 ans. Alors ça, c'est pas très clair. Apparemment, c'était une dissection aortique ou une rupture d'anévrisme. On n'en sait pas plus. Par contre, ce qui est clair, c'est que c'est quelqu'un qui a eu un parcours extrêmement chargé. Et quand il entre chez Ghibli, il connaît déjà bien Miyazaki et Takahata, qu'il considère comme ses mentors, parce qu'il a déjà travaillé avec eux dans les années 70 et 80. Et quand il est chez Ghibli, il a la confiance justement des deux grands maîtres et il va travailler sur pas mal de postes de clé animateur, etc. Il va tenir aussi une rubrique dans un magazine, le magazine Animage, il va tenir une petite rubrique pendant quelques années. Il va publier des illustrations au crayon de couleur et illustrations de la vie courante. Il voit une étudiante qui passe à vélo, il va en faire un croquis, etc. Et on retrouve cette petite touche intimiste dans le film « Si tu tends l'oreille », vu que c'est un film où il y a très peu d'action. On suit une jeune fille qui se passionne, qui va en fait tomber amoureuse, entre guillemets, d'un quelqu'un de plus âgé. Et voilà, j'en dis pas plus, quoi. C'est, enfin, je vais développer un peu par la suite. Je reste un peu d'abord sur le contexte du film. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que « Si tu tends l'oreille » n'est pas une création originale de Ghibli. À la base, c'est un manga de Aoi Iragi. Et Miyazaki, on lui a passé le truc, etc. Du coup, il va s'occuper un peu du storyboard et il va mettre Yoshifumi Kondo à réalisation. Et Kondo, d'ailleurs, a été animateur pour les Pompoko, pour le Tombeau des Lucioles. Il a été aussi animateur sur Kiki la petite sorcière. Ben voilà, c'est le candidat idéal. Ouais. Et il faut comprendre que Miyazaki le considérait même comme le cinéaste qui aurait pris la relève de Ghibli. D'accord. Malheureusement, la perte de Kondo, donc, qui meurt en 98, en janvier 98, va priver donc du coup le studio Ghibli d'un de ses meilleurs éléments. Et il n'est pas étonnant de voir que par la suite, on a eu des réalisateurs en plus dans le studio Ghibli comme Gorō Miyazaki, le fils de Hayao Miyazaki. Et malheureusement, Gorō Miyazaki, à la base, c'est pas quelqu'un qui fait l'animation, c'est quelqu'un qui a fait une école d'agriculture pour désigner des parcs et des jardins. Donc, quand on voit un peu la relève qui a été prise, ça faisait un peu mal au début, quoi. C'est un peu rattrapé par la suite. Mais voilà. Et il faut aussi citer aussi un autre réalisateur talentueux, qui est parti de chez Ghibli aussi, par contre, lui qui est toujours vivant, mais qui est parti de chez Ghibli, qui est Hiromasa Yonebayashi, qui aurait pu lui aussi être faire partie de la relève du studio Ghibli, parce qu'il a travaillé sur Arrietty en 2010 et Souvenir de Marnie en 2014, mais par la suite il a fondé son propre studio, qui est le studio Ponoc, où il y a Marie et la fleur de la sorcière en 2017, que vous avez peut-être vu ou pas. Non. Donc voilà, le studio Ghibli, de nos jours maintenant, ils ont repris un petit peu avec une série d'animation, même plusieurs séries d'animation, ils vont peut-être faire un film à l'occasion avec Miyazaki, il va peut-être faire son énième comeback et fait signer peut-être son énième grand film avant de partir. Bon. C'est sa fausse retraite. C'est ça. C'est... Voilà, Miyazaki, c'est comme les chats. Il est devant la porte, il veut rentrer, il veut sortir, il veut rentrer. Bon. Du coup, si tu tends l'oreille, donc, c'est l'adaptation d'un manga qui est du shoujo. Le shoujo, qu'est-ce que c'est? C'est un genre littéraire dans le manga qui est consacré sur les intrigues sentimentales qu'on a. Ça c'est un peu cliché. On dit souvent que c'est pour les filles, j'ai envie de dire non. Non, des shoujo que les garçons peuvent lire aussi, qui peuvent s'adresser aux deux sexes, il n'y a pas de problème. Moi, il y a une mangaka japonaise qui a travaillé dans les années 70 dans le shoujo, et qui a fait des ouvrages vraiment intéressants. On y reviendra prochainement, dans un prochain Sinon de The Phone, puisqu'il y a un de ces mangas qui a été adapté en film dans les années 70, et j'aimerais bien le voir pour pouvoir en parler dans Sinon de The Phone, donc affaire à suivre. Ce sera une parenthèse qu'on ouvrira plus tard. Et donc c'est adapté d'un manga donc de Aoi Iragi, qui est une histoire de triangle amoureux. Du coup, on suit les aventures, ou plutôt on suit le destin d'un personnage qui est Shizuku, donc qui est une jeune collégienne, et dans une famille très libre. Donc c'est-à-dire que le père est bibliothécaire, la mère travaille pas, elle vient de reprendre des études, elle veut faire une thèse, voilà. Il y a sa grande sœur qui va bientôt emménager avec son copain dans un appart, tout ça. Donc la mère et la grande sœur aident souvent la mère qui a pas trop le temps pour la cuisine, tout ça, etc. Le père, il rentre tard, donc voilà. Il vit dans un petit appart très resserré, mais voilà, ils se serrent les coudes. Et le père et la mère sont très tolérants, c'est-à-dire que à un moment dans le film, notre héroïne, Shizuku, va commencer à délaisser un peu ses études. Et elle va avoir des notes effroyables, voilà. Et plutôt que de réagir violemment, le père et la mère, ils vont discuter avec elle, ils vont entretenir le dialogue, parce que le père qui est bibliothécaire, il a vu qu'elle décide ses études pour écrire un roman. Un roman qui, voilà. Et pourquoi elle écrit ce roman? Parce qu'en fait, elle est tombée amoureuse, au début elle veut pas se l'avouer, d'un jeune garçon qui s'appelle Seiji Amazawa. Et ce jeune garçon, lui, c'est quelqu'un qui est assez doué, qui est luthier, donc il fabrique des violons, et il va partir en Italie pendant 2 mois. Et elle va se dire, voilà, moi je sais même pas ce que je veux faire dans ma vie, etc. Si lui, là, il va choisir sa voie, voilà, etc. Moi, il faut que je peux et faire pareil. Et pendant les 2 mois où il va être absent, elle se donne ce défi d'écrire un roman. Et ça va être les personnages les plus intéressants du film. Malheureusement, j'ai envie de dire, le film il dure presque 2 heures. Il dure presque 2 heures, ce qui est peut-être un peu trop pour une animation intimiste où il n'y a quasiment pas d'action. D'ailleurs, le film, beaucoup de gens trouveront qu'il met un peu de temps à décoller et je ne peux pas leur donner forcément tort. Par contre, les dernières 40 minutes avec le processus de création, quand les études et quand la simulation de la création du roman, ça, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Et malheureusement, le film a été un peu vendu sur ça. C'est-à-dire que l'affiche la plus répandue, que ce soit pour le Japon, l'Amérique, la France, on voit l'héroïne avec des cheveux roux, alors qu'elle a des cheveux bruns dans une robe rouge, qui vole aux côtés d'un personnage de chat humanisé, qui est le chat baron, on va y revenir plus tard, avec un décor, avec des tourments somptueuses, on pourrait se dire « Oh, c'est un film de Rick Fantasy, un truc fantastique, etc. » Ben non, pas du tout. Ces séquences-là n'occupent que 5 minutes dans le film. C'est, tu vois, je veux dire, c'est très court. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les séquences où elle est dans cet autre monde, qu'en fait, qui est un monde mental, parce qu'elle est en train d'écrire le roman, donc imagine les séquences du roman qui ne durent que 5 minutes, presque 2 heures, enfin 1h50. Ces séquences-là, ça va être l'occasion pour Ghibli d'expérimenter un peu des images numériques bien avant Mononoké, qui ne sortira que 2 ans plus tard, et Le Voyage de Chihiro de 2001. Quelle année, donc, tu peux me rappeler l'année de la sortie du film? Alors, Si tu tends l'oreille, date de 95. D'accord. Voilà, et les animations pour images de synthèse n'est pas encore très développées, surtout chez Ghibli à cette époque. Pensez me moquer, il y aura des animations en images de synthèse en 97 dans le film. Je pense par exemple au Dieu Cerf, si vous vous rappelez bien, le Dieu Cerf qui est animé par ordinateur, voilà. Il y en aura un peu plus dans Chihiro, mais Ghibli a toujours fait en sorte que ça ne prenne pas le pas sur l'image, que ça reste parfaitement homogénéisé, intégré à l'image. Et ça, c'est parfait, c'est fabuleux. Et dans l'oreille, c'est juste le monde un peu parallèle où, justement, il y a des séquences animées ordinateurs, mais ça se voit pas du tout. C'est ça qui est fabuleux avec Ghibli, c'est que c'est avec un tel soin dans les décors, dans l'image, etc., dans l'animation, que ça se voit pas du tout. Donc, autre truc à noter aussi, donc le film, j'ai parlé d'un chat un peu humanisé, un chat baron. Voilà, il semble qu'il y ait peut-être eu une frustration de pas mal de fans du studio Ghibli, puisque beaucoup plus tard, on aura un film qui s'appellera Le Royaume des Chats. Ah, je l'adore, celui-là. Le Royaume des Chats, c'est un de mes films. Et ben, Le Royaume des Chats, on retrouve le chat baron. Le chat baron qui, à la base, dans Si tu tends l'oreille, c'est juste une statuette vue dans l'antiquaire. Cette statuette va inspirer donc le roman que l'héroïne va écrire. Mais on le voit animé que pendant quelques secondes, quoi. Dans le film, c'est juste une statuette de chat. Et donc, Le Royaume des Chats, par contre, ça c'est un truc complètement à part, où, cette fois-ci, on va avoir le chat baron avec son acolyte, Moon, un gros chat, etc., qui sont des personnages totalement fictifs dans Dans l'oreille. Voilà. Donc, après, on apprécie ou pas ce virage un peu intimiste du studio Ghibli qu'on voit pas forcément répandu. Parce que entre les grandes envolées lyriques de Miyazaki, je dis les grandes envolées, mais le vent se lève, c'était beaucoup plus intimiste, et les films à caractère sociologique assez fort de Takahata, rappelez-vous Pompoko, et rappelez-vous Le Tombeau du Sol, surtout, qui vous fait bien mal dans la gueule. Ouais. Voilà, on n'entend pas avoir un petit film intimiste qui pourrait être un drame français ou un petit film intimiste suédois, etc. Quoi. Donc, il ne faut pas s'attendre à un truc d'action. C'est un truc très calme, mais très sympathique, avec quand même de beaux moments de poésie. Il y a cette séquence qui est très belle, qui aurait pu être chez Miyazaki d'ailleurs, où la jeune héroïne, elle vient de prendre le métro, et il y a un chat qui grimpe dans le métro aussi, qui s'est mis sur les sièges. Un chat. Et le chat, à un moment, il descend à une station, elle va le suivre. Donc, elle va monter à la colline pour des appartements, etc. Même, elle va dans un terrain vague qui est interdit, elle suit le chat, etc. Et ça aussi, ça va nourrir son roman plus tard. Toutes les rencontres qu'elle va faire, ça va nourrir son roman. C'est pour ça que la partie création du roman, qui est juste dans la dernière demi-heure du film, je trouve ça passionnant, ça décolle. Mais le reste du film est un peu plat de ce côté-ci. Après, ça reste quand même un film intéressant à voir, quoi. Et aussi, c'est cette très belle séquence où elle discute avec le luthier, qui est le garçon dont on est amoureux, et elle lui demande de jouer à quelque chose. Et lui dit, d'accord, je sais jouer du violon, mais en échange, tu vas chanter pour moi. Et elle était en train d'écrire des paroles d'une chanson qui s'appelle Country Road, qui est en fait une chanson, je sais plus si c'est de Virginia, de Streisand, Barbara Streisand, je sais plus trop quoi, c'est un truc qui existe déjà à la base, qu'elle essaye de japoniser un peu avec les paroles du Japon, donc les paroles donnent en fait avec le sous-titre Route de béton, etc., Campagne adorée, quand te reverrai-je. Et donc lui joue du violon, elle chante, elle dit qu'elle chante pas très bien, mais elle chante quand même. Et à ce moment-là, le grand-père du garçon qui tient la boutique d'antiquité, il vient d'arriver avec des collègues, il les entend en bas, dans la pièce, et comme ses collègues sont musiciens, eux, ils descendent tout doucement, pas à pas, et ils vont se placer, et donc du coup, ce qui était juste un duo, au violon et voix, et ben les autres qui jouent de l'instrument, des percussions, une petite balisette, etc. Ça devient un petit quintet qui joue tranquillement, etc. Ça, c'est... Le film est rempli de petits moments comme ça, sympathiques, quoi. C'est donc dommage qu'il manque un petit quelque chose, un petit souffle épique pour propulser encore le film, quoi. Parce que ça va faire juste un beau film, et ça va pas plus loin, donc voilà. D'accord. Voilà, c'est du temps l'oreille qui est une bonne petite trouvaille. Ça fait partie des, comme Netflix a tous les Ghibli, ça fait partie des films un peu méconnus du studio, quoi. Un peu comme, il y avait un téléfilm que Ghibli avait fait aussi, qui s'appelle J'entends le bruit de l'océan, un truc dans le genre, que j'avais vu il y a quelques mois, qui est fait pour la télévision nippone. Ça aussi, c'est un Ghibli méconnu, plus regardable aussi. L'avantage de ces deux films, c'est que comparé aux films de Takahata et de Miyazaki, globalement, c'est très étonnant de voir le Japon des années 90 et fin 90, début 2000, montré à l'image. C'est-à-dire que on voit que les films Miyazaki, Takahata, même si Pompoko s'attarde un peu sur la société japonaise avec les transformations que ça va occuper avec les tanuki et qu'ils vont voir leur habitation saccagée pour la construction de grandes routes et de villages, là, on voit vraiment le Tokyo des années 90, avec les parents, l'appart, etc. C'est assez surprenant chez Ghibli, quoi. Mmh. Voilà. Donc, voilà, ce genre de petits films qu'on aime bien voir, etc. Même si on se reverra pas ça forcément tout le temps comparé à Miyazaki. Tu l'as vu sur une plateforme particulière ou pas, en fait? Parce qu'il y a pas mal de Ghibli qui sont sur Netflix maintenant. Il est sur Netflix ou pas? Alors, tous les Ghibli sont sur Netflix, donc je l'ai vu sur Netflix, ouais. Mais il existe aussi en DVD et Blu-ray, donc on peut facilement le voir sans problème. D'accord. Alors qu'à une époque, moi j'ai vu ce film, il était introuvable. D'accord. Je l'avais eu, voilà, d'une manière un peu détournée, on va pas s'attarder dessus. Okay, je l'ai vu, moi j'ai vu il y a 20 ans déjà la première fois, donc quoi. Ouais, donc tu l'as vu en fait, tu l'as vu plus proche de l'époque dans laquelle il a été fait, en fait. T'as plus de recul maintenant. J'ai pris du recul, et ça qui est intéressant, parce que comme je disais, l'affiche peut porter à confusion, l'affiche qui met le film en avant, alors que le film, c'est pas tout ça. Il y a une autre affiche qui existe, où tu la vois près d'une fenêtre, à côté de musiciens, ça représente bien le film. Ça n'a rien à voir avec l'affiche avec le chat baron, etc. Ça n'a rien à voir, parce que c'est pas un film fantastique. Et du coup, quand je l'avais vu, je pense que j'avais été peut-être un petit peu déçu la première fois que je l'avais vu, il y a une vingtaine d'années. Mm-hmm. Là, avec le recul, je peux un peu plus l'apprécier. Et j'aurais même envie de dire que ça s'adresse pas forcément au public ado ou un petit peu quand même, mais peut-être aussi pour les adultes, pour le coup. Les enfants, eux, par contre, ils seront là, ils vont se faire chier. voilà. D'accord, ok. moi, je vais enchaîner sur. On n'a pas de transition du tout aujourd'hui. Hein. C'est pas. C'est fou. Moi, je vais enchaîner sur Bridge. On est passionnés, Katou. C'est ça. Je vais enchaîner sur Bridge de John Suits. Vous me direz qui est John Suits, bon, illustre inconnu en fait, qui a surtout, en fait, il a fait de la prod, John Suits sur pas mal de trucs. Hein. Il a commencé en 2016, il a produit des courts métrages, tout ça. Et puis après certains longs, dans les longs, non, il y a rien de tout. Si, il y a Bad Milo en fait que certains connaissent peut-être parce que c'est la fameuse histoire où t'as une... quelque chose. Ouais, c'est celle où il y a un mec qui a une créature qui lui sort du cul, en fait, mais c'est en gros je schématise vachement. Je veux le voir. Voilà, bah il a produit ce truc, quoi, ce truc. Sinon pour le reste c'est plein de trucs pas forcément les plus connus. Et en tant que réalisateur, enfin, il a fait un peu de tout, hein, parce que t'as du scénario, il a été un peu chef op aussi, il a été acteur sur un truc, enfin, bref, il s'est un peu tâtonné vers un peu de tout. Et en tant que réalisateur, mais jamais sur des trucs énormes, hein, jamais sur des trucs super connus. Hein, en tant que réalisateur, il a fait quelques courts métrages, vidéos, enfin du clip, voilà. Et il a trois trucs à son actif qu'on peut noter. Donc un film qui s'appelle 3022. Donc à mon avis, rien qu'au titre, on peut se dire que on sent le futur. Ouais, on sent le type de prod, voilà, un truc un peu. C'est du sci-fi aussi, quoi. Oui, parce que là, le film, c'est du sci-fi, hein, Bridge. Hein. Et ce 3022, c'était avec Omar Epps. Ouais. Kate Walsh. Bah, elle aurait pu être promis un grand avenir il y a encore une décennie ou deux, quoi, quand elle est aussi petite. Ah ouais, c'est possible, ouais. Il bossait sur, il bossait dans The Carouse. Exactement, ouais. Il avait joué chez Brover, il jouait chez Kitano, donc tu te dis, il aurait pu avoir une super carrière au cinéma, et puis en fait, bah, bon. Et en fait, alors, sachant que dans le film, donc Bleach, qui est sorti il y a deux jours, en fait, en VOD, directement sur les VOD américaines. Voilà, pourquoi je ne le vois pas sur IMDb. Celui sur IMDb, c'est parce que ah oui, c'est le titre, ils ont mis anti-live. Non, yes. Ah, mais j'allais le dire après. Mais j'avais une transition avec mes notes, putain. Hein, c'est pas. Catou, désolé. Oh. Alors. Pardon, Catou. Oh là, tu m'as spoilé des trucs. et donc. Non, parce que je suis ordonnée dans mes notes, moi, monsieur. Mais nous aussi. Enfin, moi aussi. Mais je te dis pas grand, mais du coup, mais tu fais pas tout. Donc où j'en étais. Voilà, tu m'as tout. Et donc il a fait donc ce film là, donc Bridge avec Bruce Willis. Et ben il se trouve que cette année aussi, il a tourné un autre truc avec Bruce Willis, qui est la fameuse publicité. Qui est la fameuse fusée qui a été hyper spoilée. Qui avait été teasée plutôt sur le retour de Die Hard, en fait. Et en fait, c'était une publicité avec le personnage de Bruce Willis dans Die Hard. C'est Die Hard is Back, mais c'était pour une publicité pour des batteries. Voilà. Donc, et c'était avec Bruce Willis. Et c'est en fait, c'est lui qui l'a réalisé aussi. Donc voilà. Donc, j'arrive pas, comme c'est cette année, j'arrive pas à savoir si c'était avant ou après Bridge. Mais on peut imaginer que c'était après Bridge parce qu'on sort plus, les publicités elles sortent plus rapidement que les films, donc on peut imaginer qu'il s'est bien entendu sur Bridge avec Bruce Willis et que du coup bon, bah, il y a un truc qui a suivi quoi. Sur le film en lui-même, donc alors le film est distribué par Saban Film, qui est la branche distribuée de Saban Capital Group, qui était fondée par Haïm Saban. Donc voilà. Exactement, voilà. Et c'est vrai qu'ils avaient c'était à eux qui était à la licence. Maintenant, je crois qu'elle est sur Hasbro la licence, il me semble. Ouais. Mais depuis 2018, je crois. Et donc, mais le film qui a été produit en 2017, c'était via Saban justement. Le pitch sur l'histoire, donc on est en 2242. Alors attends, je le refais. 2242. La planète Terre est sur le déclin. Pendant un siècle, les gouvernements ont dit au peuple, on va tout arranger, vous allez voir, plus personne va mourir de faim. Mais en même temps, ils planifiaient une échappatoire vers une exoplanète. Nouvelle Terre promise pour 50 millions de terriens seulement. Laissant derrière... Moi, je pensais qu'ils allaient vendre du soleil vert. Laissant derrière 19 milliards de gens. Un jeune héros, visage du bon garçon sur un corps bien bâti, arrive à s'incruster dans le chaos à bord de la dernière navette en partance, sur laquelle se trouve sa dulcinée enceinte, qui est également la fille du commandant du navire spatial qui ne le connaît pas du tout. Mais bientôt, tout le monde va s'apercevoir que quelqu'un a introduit une entité à bord. Il y a beaucoup de trucs, hein. Il y a du drama et des créatures, et voilà, bref. Donc les acteurs... On a Bruce Willis, donc, qui n'est absolument pas du tout le premier rôle. Tu vois, je parlais du commandant du navire, c'est même pas lui qui le fait, tu vois. Est-il concerné? C'est Thomas Jane qui le fait, le commandant du navire. Thomas Jane? Eh ouais, parce qu'il y a Thomas Jane aussi. Thomas Jane qui est un peu vieillissant, qu'on voit pas si longtemps que ça. En fait, il est là pour faire le commandant un peu badass quand il y en a besoin, quoi. Son personnage, il sert uniquement avec celui de Bruce Willis à valider le personnage du jeune premier. Le personnage du jeune premier, justement, qui joue donc le mec qui a mis en cloque la fille du commandant, c'est une promo pour lui, clairement. Parce que pour l'instant, on l'avait juste vu dans des second rôles, dans des séries pour ados, genre dans Riverdale et Daybreak, qui sont deux séries Netflix, justement. Faut qu'on arrête de faire la promo de Netflix. mais c'est pas... Ils sont partout. Alors, coïncidence, il a joué au tout début de sa carrière aussi, dans le film Power Rangers de 2017. Donc, ah. Ouais, donc du coup, il retrouve aussi la clé à Saban. D'accord. Et c'est marrant parce que du coup, il y a une évolution de carrière hein, entre les deux. Et en fait, c'est, enfin, après le film de Power Rangers, il était produit par entre autres hein, par Saban. Hein, il y avait plus pas mal de trucs derrière aussi, mais il était produit via une ou deux branches. En fait, c'est pas très très clair suivant les sources. On sait pas si Saban film, Saban je sais pas quoi. Enfin bon, bref. De toute façon, enfin voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, la licence était jusqu'en 2017 et jusqu'en 2018. Sinon, sur le jeune acteur, il s'appelle Cody Kersley. Hein. Et on ne sait pas grand-chose sur lui, sinon qu'il a l'air d'avoir commencé sa carrière pro d'acteur à 25 ans. Ce qui n'est pas tard, mais de nos jours, en fait, on a plus l'impression que les Américains sont soit des bébés acteurs élevés en batterie ou des acteurs qui ont bouffé du goudron pendant 40 ans avant de percer. Et là, en fait, ça fait basiquement que 4 ans pour lui et il a limite une évolution de choix normale dans son choix de carrière. C'est-à-dire à 25 ans, il s'est lancé, tu vois. Et cela dit, en fait, il est crédité comme chef-op sur un court-métrage quelques années plus tôt, genre juste à 19 ans, je crois. Et on peut penser que sa carrière d'acteur, ça devait pas être son premier choix, quoi. Et donc, voilà. Et il y a donc, attention surprise, il y a Callan Mulvey qui joue un des seconds rôles. Callan Mulvey, qui c'est? C'est le fameux Drazik de Heartless Cœur à Vif. On déconne. Eh ouais! Drazik qui a une carrière maintenant aux États-Unis où il fait partie de ces acteurs qu'on voit dans des seconds rôles à faire les méchants ou les mecs un peu louches ou machin parce qu'en fait il a une carrière un peu spéciale, c'est-à-dire que il a eu donc le rôle de Drazik dans Heartless Cœur à Vif parce que toutes les jeunes filles étaient là ah Drazik c'était le méchant dans Heartless Cœur à Vif, mais voilà tout le monde ah Drazik c'était le bad boy, et en fait entre-temps il a eu un accident de voiture il me semble qui lui a ravagé la tête en fait, et du coup il a une plaque de métal je crois dans le visage, je suis pas sûre mais je crois qu'un de ses yeux en fait il laisse un faux, enfin bon un truc comme ça, et du coup il a maintenant un visage un peu particulier, mais il a su en tirer parti pour sa carrière et du coup il est arrivé à refaire des trucs en Australie jusqu'aux États-Unis où au final on l'a vu dans quelques trucs dans des seconds rôles, bon on l'avait vu dans Captain America, il a joué dans Batman via Superman aussi, enfin des petits trucs comme ça. Je l'avais vu dans Captain America, voilà. Et je l'avais pas reconnu tout de suite. Ouais, et du coup dans Avengers Endgame je crois aussi, enfin je sais pas si non c'est pas c'est Avengers Endgame je crois ou Captain America, je sais plus, un des deux. Et les deux parce qu'il joue il est crédité aussi à Avengers Game. Donc oui, il fait partie des mecs qui sont dans les second rôles dans le décor derrière quoi. Il a joué vite fait dans Warcraft le commandement aussi, enfin il dans Zero Dark Thirty, enfin il fait partie des mecs qu'on voit dans les second rôles dans les blockbusters. Et du coup, je trouve qu'il enfin c'est sacrément bien remonté et qu'il s'est vachement bien débrouillé finalement. Parce que finalement des autres acteurs de Heartless Cœur à Vif à part en Australie, bref. Attends, la meuf là, j'ai oublié son nom. Il y a la brune qu'on avait vue dans Matrix aussi. J'ai une figure dans Matrix. Je vois pas de qui tu parles. qui jouait dans Heartless Cœur à Vif, c'était la cousine du mec qui s'appelait Costas. Qui était dans la première saison. Je sais pas, on va s'appeler Diana ou un truc comme ça. Voilà, je vais te dire ça. Mais ouais, enfin, si elle a fait une figure, si tu veux. Elle était dans Arthur. Ah oui, c'est ça. Ok, Ada Nicodemus, d'accord. Bon, ouais. C'est. Ouais, oui, oui. Je sais plus si c'était la cousine ou si c'était pas son coup de cœur, enfin, un truc comme ça, je sais plus. Je sais plus, c'est un truc bizarre. Ouais, c'est un petit truc. Il a un petit rôle, quand même. Mais je me souviens même pas l'avoir vu, d'ailleurs. Elle avait un rôle les premières saisons. Et en fait, elle fait juste de la figure dans Matrix, quoi. C'est-à-dire qu'on la voit au tout début de Matrix, quand t'as des mecs qui viennent voir Neo, en disant, Neo lui dit, t'as pas l'impression que des fois tu rêves, que t'as l'impression de réveiller éveillé, et le mec lui dit, ça m'arrive quand je prends de la mescale. Et à ce moment-là, il y a une meuf à côté de lui, et c'est cette meuf-là. Elle joue White Rabbit Girl du jour, voilà. Ouais, mais elle a pas fait autre chose, hein. Bah, elle fait des trucs. Bah, après, elle fait des trucs en Australie, genre, hein, donc pour la télé, quoi. Donc, c'est. Bon, bref. Et donc, sinon, il y a une meuf qui s'appelle Rachel Nichols, qu'on a vu principalement dans des séries télé. Un petit peu sci-fi aussi, des fois, dont une qui s'appelle Continuum, qui est. C'était sur 2012-2015, il me semble. Attends, je vérifie. Parce qu'elle a joué aussi dans Titan. Ouais, 2012-2015, Continuum, qui était l'histoire d'une meuf dans un futur, en fait, qui devait revenir dans le passé pour trouver le fondateur d'une société, machin et tout. Bref, c'était un peu ce truc-là. Et qui était un peu... Enfin, moi, j'avais suivi un peu la série. C'était pas parfait. Hein, je sais pas, ouais. D'accord. C'était intéressant comme concept, mais c'était pas... Enfin, c'était un peu laborieux pour moi. Mais bref. Donc, le réalisateur, comme on en a parlé tout à l'heure, d'une manière générale, il y a forcément des clichés dans ce genre de prod. C'est-à-dire que... C'est quoi ce petit bruit ? Il y a un bruit bizarre là. Ouais. Nelson ? Ouais, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un bruit bizarre. Il y a un bruit bizarre ? Ouais. Donc, je disais... Je suis désolé. Les clichés du film, il y en a forcément, parce que c'est une prod, voilà, c'est un truc sci-fi cheap, donc forcément il y a plein de clichés, avec Bruce Willis en plus, donc le mec il va se gêner, quoi. Donc il y a, enfin je dis ça, enfin sci-fi, c'est pas la chaîne sci-fi, hein, mais... Donc, d'accord, pardon, j'avais cru que c'était... Je m'étais dit merde, il est tombé bien là. Non, non. Donc, il y a par exemple, il y a un commandant remplaçant, c'est-à-dire que le personnage de Truman, de Mass Jane, on le met en cryo pour un certain temps. Et en attendant, il y a un commandant remplaçant qui, pour le reste du voyage, qui commande les autres qui sont encore debout. Et ce mec-là, il nous fait le cliché, tu sais, du militaire avec la grosse voix et tout. Et ça devient très bizarre parce que ça se voit d'un coup, t'as l'impression qu'elle change. Ça devient une voix comme s'il se mettait à gueuler avec une grippe, quoi. C'est très bizarre, quoi. Et t'as le mec, le jeune héros qui a rien fait, mais Bruce Willis lui sort « Me pousse pas à bout, hein, je suis un vrai gentil, me pousse pas à bout !» Tu sais, la phrase du mec viril qu'il faut qu'on respecte, quoi. Ou le personnage de Thomas Jens qui sert pas longtemps, hein, qui part, sa fin de son personnage, qui part en disant, en parlant de sa fille, qui dit « Dis-lui que tout ira bien pour elle !» Tu sais, ou qu'on devine que c'est adressé pour donner l'aval au jeune mec à s'occuper de sa fille, en mode genre ouais, « Ouais, j'ai vu que t'étais un bon garçon, en fait, tu vois. » Ou c'est de la bonne famille, on peut te faire confiance. C'est ça, ouais. Et donc, la première scène avec Bruce Willis, qui est vraiment le cliché de la démonstration de virilité, où on se dit bonjour en se tapant, tu vois, enfin des trucs comme ça. Ou voilà, forcément, t'as Bruce Willis à un moment avec une très grosse arme, ici un lance-flamme, un genre de lance-flamme, qui lance une phrase à la con en disant qui veut un barbecue, tu vois. C'est des moments clichés, mais on peut faire aussi, bon voilà. Ou la manière dont on peut vaincre les créatures, bah c'est un fusil de Chekhov qui est assez facile à deviner. Hein. Mais d'une manière générale, c'est des clichés qui sont pas trop mal utilisés, quoi. C'est-à-dire que bon, Thomas Jane et ses hommes, c'est la cavalerie. C'est-à-dire que c'est simple, mais ce moment-là, en fait, quand il réveille Thomas Jane et ses hommes pour ça insuffle en fait un second souffle au film qui commençait à aller un peu dans l'impasse, quoi. Et il y a certains moments badass qui sont bien mis en scène, la petite musique, la petite phrase au moment où il faut. Il y a un bon timing en fait. C'est classique, mais c'est quand même mieux fait que certains films qui sont assez cheap justement, qui se contentent de balancer le truc sans faire gaffe à la justesse de la manière dont c'est balancé, quoi. Après, dans le genre cliché, t'as Bruce Willis qui a un jeu mou, en fait. Genre, il s'énerve sans conviction, quoi. Et du coup, ça fait un peu cliché d'énervement, quoi. C'est pas son meilleur jeu, hein, je sais pas. Il est très flemmard sur ce film. C'est, ouais, oui, je suis là. Oui, ok, je vais dire ma ligne, c'est bon, quoi. Ouais, mais en même temps, Bruce Willis... Il est devenu un peu, ça, quoi. C'est une espèce de mec, t'as l'impression que ça le fait chier d'être acteur. Enfin, je sais pas pourquoi, mais. Ouais, peut-être qu'il manque d'excitation dans son dans sa carrière maintenant, hein, au-delà de là où il est en pleine lassitude, quoi. C'est possible aussi. Ouais, c'est quand même assez. D'ailleurs, c'était loin, quoi. Et pourtant, il avait une vraie liasse, quoi. Ouais. On t'entend super mal en fait. Excuse-moi. Pardon. Hop, c'est bien. Voilà, c'est mieux. Voilà, là, vous m'entendez mieux. C'est mieux. Ouais. D'accord. Depuis 10-20 ans, ouais. On a l'impression que il y a des. Enfin, ça commence vraiment à faire chier d'être auteur, quoi. Alors que les trucs, les scénarios, bon, voilà, c'est parce qu'il faut bien payer le tiers provisionnel, on fait ça. Mais vraiment, il n'y a pas. Ah non, mais comme on en parlait entre nous, il a encore des gosses à élever, il en a encore deux avec sa deuxième femme, et puis voilà, il a un mode de vie à entretenir, et puis il peut pas rien faire, je pense. Et comme t'as certains acteurs qui font de la production, qui font de la réalisation, qui font machin, lui, clairement, ouais. Son truc, c'est juste l'acting, et du coup, bah, il est un peu dans une impasse, quoi. Mais après, si ça se trouve, il kiffe juste ça, et que voilà, c'est juste son truc, hein. Bref. Sinon, on voit que le réalisateur a été producteur parce que il y a quand même des économies, quoi. On sent que c'est un film qui a pas dû demander tant de budget, quoi. Alors attends, je vais vous dire pourquoi on voit. Attends, je voudrais vérifier juste le budget vite fait si j'arrive à le trouver. Bon, attends. Mais on verra ça après. Mais ouais, parce qu'en fait, par exemple, il y a des économies d'effets. C'est-à-dire que il y a des explosions de corps, elles se font hors champ. La créature, elle fond, économie d'effet sur la manière dont c'est filmé, hors champ. la créature, elle est d'ailleurs un peu spéciale parce qu'elle est pas cohérente parce que au premier abord, elle envahit un mec avant d'exploser et puis d'un coup, sur les autres personnes, après, elle va se contenter de vider leur corps pour habiter les corps des mecs, en fait. Du coup, on va se et après, ce sera comme une contamination. Tout le monde va être vidé de son corps pour être contaminé par, et devenir une créature qui sera juste un corps habité par la créature. Et c'est, en fait, la créature, c'est un peu le Bernard Lamy de l'espace, quoi. et en fait, il y a aussi, et du coup, en fait, ça permet une économie de design de créatures parce qu'on finit par avoir une horde de gens qui s'apparentent d'ailleurs à l'invasion des profanateurs. Parce qu'à un moment ils se mettent à crier genre ah tu vois, c'est genre un peu comme dans la maison mais avec un cri un peu bizarre en fait, mais qui sort, enfin des créatures invasion profanateur qui sauraient se battre. Tu as t'as par exemple un paquet de corps qui explose à proximité du jeune héros et finalement il a pas une goutte de sang sur lui, il reste très propre car les créatures ont tout vidé avant de posséder les corps, donc corps possédé gage de propreté. C'est beau. Dans ta société, je pense que tu tiens quelque chose. Ouais, t'as vu. Il y a un petit moment en fait de face à face entre les êtres possédés justement et les soldats fraîchement réveillés qui est assez fun. Genre s'ils arrivent dans un tunnel, d'un coup t'as la horde de possédés et la horde de ces tadam, c'est assez et Thomas Jane et ses soldats fraîchement réveillés, c'est ce petit moment est sympa, quoi. Mais alors j'ai une question. Oui. Il est tourné aux États-Unis parce que quand même j'ai l'impression ça sent un peu le film en Europe de l'Est quand même ton truc. Hein. Tu sais c'est en studio surtout, hein, donc bon t'as que des extérieurs après. Attends, je vais te dire ça. Ah mince, attends. Je vais être coincée si mon ordi s'éteint parce que j'ai oublié de le brancher. J'ai toutes mes notes sur mon ordi. Attends, je te dis ça après. J'aurais été où? Oui. Donc la créature en elle-même en fait, c'est un peu à l'image d'Alien, c'est-à-dire qu'elle a des stades d'évolution, mais c'est curieux son stade d'évolution en fait. Sur Alien, tu sens c'est la créature qui évolue petit à petit. Là, à chaque fois, c'est un truc. La première évolution, on voit pas trop la logique, mais sur après en fait, c'est des trucs qui sont provoqués. C'est-à-dire que t'as une explosion, et ben par exemple ça permet aux créatures d'évoluer vers un autre stade, c'est-à-dire que quand Thomas Jane voilà il se sacrifie, je spoil, il se sacrifie, il explose toutes les créatures autour de lui, enfin tous les possédés autour de lui, et du coup bah tous les corps se soudent en une seule créature en fait. C'est un autre stade d'évolution du coup. Et ça donne un croisement entre Alien et une limace dégueulasse. Ou Venom et Jabba le Hutt, en fait. Tu sais pas trop. D'ailleurs, quand les autres, quand ils... Un Pokémon. C'est un mix entre Venom et Pokémon. Non, pourquoi Pokémon? Non. Venom et Jabba le Hutt. et du coup... Non, parce qu'il y a des évolutions sur 13 et ça. Ah, d'accord. Mais et donc, du coup... D'ailleurs, quand on le croise, en fait, c'est... T'as les personnages, je crois que c'est Bruce Willis qui dit « Ça, c'est un fils de pute bien laid » quand il la croise. Et effectivement. D'ailleurs, c'est marrant parce que la toute première fois où on voit la créature, c'est animé, ça dure quelques secondes, c'est animé très bizarrement. T'as l'impression que c'est animé à la façon Jason et les Argonautes, quoi. Tu sais pas trop. Après, ça va mieux. Mais aveu, je me suis demandé. Après, ça va mieux, mais c'est très bizarre, quoi. Après, il y a une autre évolution, tu sais, on croit que le jeune héros a eu la créature en la cramant, mais non! Ça lui donne la possibilité d'évoluer encore vers un autre stade! D'ailleurs, on la verra plus après, je pense que c'était prévu pour une suite. Il y a un petit moment gênant, tu vois, enfin, il y a plusieurs, pas trop de moments gênants, enfin, il y a des trucs bizarres, mais tu laisses passer, vu le genre de film, tu vois, tu te dis, allez, c'est bon, ça passe. Mais bon, la meuf, en fait, là, parce qu'à un moment, le jeune héros finit par réveiller par sa jeune dulcinée qui est en cryo. Et curieusement, on ne sait pas pourquoi, c'est la seule qui réchappe à un truc. En tout cas, la manière dont c'est mis en scène, t'as l'impression que c'est la seule. Hein. C'est peut-être parce qu'ils avaient la flemme de, ou ils n'avaient pas le budget de montrer d'autres personnes qui réchappaient derrière, je sais pas. Mais c'est bizarre qu'elle soit la seule alors que les autres commençaient à être envahis par les aliens, en fait, par les créatures qui avaient trouvé un moyen de les posséder. D'ailleurs, elle vient de se réveiller et elle se fait très bien à l'idée de buter des gens pour survivre. Hein. Elle se pose pas de questions. Aucun choc. C'est en gros le mec il la réveille, viens allez hop on y va, faut faire gaffe, ok d'accord je vais buter des gens, en gros ça donne un peu ça comme ambiance. Et puis elle court, mais pour une femme enceinte elle est pas follement fatiguée, hein. Nickel. Sur la fin on peut s'y attendre pour l'ambiance, mais en même temps c'est assez fun et ça donne quand même envie de voir une suite en fait, à cause d'un ou deux petits trucs qu'on voit en fond dans le paysage du fond et qui te dit ah, je veux savoir comment ça se passe après. Bon alors ok, il y aurait une suite aussi, il y aurait pas Bruce Willis mais le jeune héros je pense peut faire le job pour ce genre de production. En fait on voit que ça a été calibré pour dire il a l'aval de Bruce Willis et Thomas Jane pour jouer un héros qui porte bien le truc quoi. Après il est dans le film, il est pas follement hyper actif, genre il tape pas des mecs et tout machin, mais il est clairement bâti pour être un mec qui fera ce genre de truc. Et donc ceux qui ont fait le film ont clairement des références, c'est-à-dire qu'il y a une scène de dîner dans l'espace qui se passe dans l'espèce de cantine machin et tout, il y a le cerveau qui crie Alien. Même le ressort pour que la créature qu'on découvre qui est le premier truc avec la créature, en fait c'est comme dans Alien, c'est-à-dire que t'as un mec que la créature envahit, d'un coup il fait j'ai mal et puis il boit un truc, ah ça va mieux, et là poum, poum. Voilà, c'est un peu le même ressort que dans Alien quoi, où ils ont, ah oui, un autre référence aussi, genre des fois les personnages peuvent communiquer à distance comme Star Wars par hologramme. Enfin, on sent qu'il y a eu des petits trucs comme ça où je pense que comme les producteurs a fait de la prod, ils doivent vachement s'y connaître et même les scénaristes, bon, ils ont fait deux trois trucs pas forcément connus, mais on sent qu'il y a quand même des références. Et j'ai l'impression qu'avec toutes les références qu'ils ont en fait, et en même temps avec le peu de moyens qu'ils avaient à disposition, ils ont essayé de faire un truc du même acabit que Life ou Pandorum. Et c'est là où j'avais ma transition. Voilà, parce que Life ou Pandorum, et le film en français s'appelle Anti-Life. Bon, bah, ok. Voilà. Et en fait, en gros, voilà, c'est pas le film. Bref, le film est pas super étonnant dans le fond, mais il a une forme intéressante qui donne un truc plutôt sympa à voir quand même, quoi. C'est-à-dire que c'est pas aussi mauvais que je m'attendais à le voir, quoi. Moi, j'étais prête à voir un truc du même acabit que les Steven Seagal, quoi. Tu vois, donc, je sais pas, ça va. Ou alors t'es trop tolérante. Non, mais franchement, je trouve qu'il a une facture assez intéressante, hein. Je sais pas. Franchement, c'est moins effrayant qu'on aurait pu le penser, voilà. Voilà. Ah oui, j'ai dit que j'allais vérifier où est-ce qu'il avait été tourné, le film. Attends. Parce que, attends. Vous êtes bien calmes, les enfants. On voit tes paroles. Ouais. Où est passé Nelson? Nelson. Oh! Il est plus... Alors, on a perdu Nelson. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression. Ouais, donc. Les paroles là, elles ont été un peu trop bues. C'est ça, il a fini par dormir, tu sais. bah, en fait, non, mais j'oubliais, mais si, je savais, parce qu'en fait, c'est à la fin du générique. Non, en fait, il a été tourné en Géorgie, parce qu'il a eu le fameux Georgia avec la pêche de fin de générique, tu sais, des trucs. On voit dans plein de souvenirs, d'ailleurs. Ouais, et ben, c'est voilà. Ça s'est fait là-bas, à Fitzgerald, Géorgie, au studio TMG. Donc, non, c'est pas un truc de l'Est. Donc il y a un peu de moyens quand même, d'où Bruce Willis, Thomas Jane, mais en même temps, pas trop quand même, donc d'où économie sur les effets, effectivement, quoi. C'est du studio, effectivement, bah, en termes de décor, ouais, c'est il y a un extérieur à la fin, qui est pas si mal, hein, la nouvelle terre, je trouve que la nouvelle terre qui sont instaurées est plutôt sympa, voilà. Okay. Voilà, c'est finito. Okay. Je sais pas où est passé Nelson, en fait. Il est tombé dans la cuvette. Ouais. Tintin. Donc, pour nous, c'est fini pour aujourd'hui. Attends, je vais faire Nelson qui dit au revoir. Ouf, au revoir. C'est pathétique ce que je viens de faire. Super. Au revoir, Nio. Au revoir.